13-23. Activation orale. Avoir envie de. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. Oh. Tu viens avec nous? Qu'est-ce que vous dites? Oui, j'ai envie de venir. Deux. Robert va à Chartres? Oui, il a envie d'aller à Chartres. Trois. Tu pars? Oui, j'ai envie de partir. Quatre. Tu restes? Oui, j'ai envie de rester. 5. Les parents de Mireille vont au Pays Basque cet été? Oui, ils ont envie d'aller au Pays Basque. 6. Et vous deux, vous y allez aussi? Oui, nous avons envie d'y aller. 7. Et toi, tu restes à Paris? Oui, j'ai envie de rester à Paris.